caravane, il est jour d'été, des filets de paille, version USA. Écrire l'histoire du grand partage, c'était le bleu passé, maintenant je chante. Danser, elle bercera les grands visages.